Book 2 98 98 98 حروف العطف المزدوجة Conjonction double Conjonction double صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. Le voyage était certes beau, mais trop fatigant. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Le train était certes à l'heure, mais complet. Le train était certes à l'heure, mais complet. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. L'hôtel était certes agréable mais trop cher. L'hôtel était certes agréable mais trop cher. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Il prend soit le bus soit le train. Il prend soit le bus soit le train. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Il vient soit ce soir, soit demain matin. Il vient soit ce soir, soit demain matin. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. Il loge soit chez nous, soit à l'hôtel. إنها تتكلم الإسبانية. كما أيضا الإنجليزية. Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais. Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. Il est non seulement bête, mais aussi paresseux. Il est non seulement bête. Mais aussi paresseux. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. Elle est non seulement jolie, mais aussi intelligente. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français. Elle parle non seulement l'allemand, mais aussi le français. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Je ne sais jouer ni du piano ni de la guitare. Je ne sais jouer ni du piano ni de la guitare. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Je ne sais danser ni la valse, ni la samba. Je ne sais danser ni la valse, ni la samba. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Je n'aime ni l'opéra, ni le ballet. Je n'aime ni l'opéra, ni le ballet. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا.